Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuna salimia kila mmoja wenu mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sans tarder, levons-nous pour la lecture. Bila gawia, tusimame njo kusoma neno la Mungu. Nous prenons l'écriture de Jérémie. Tunabeba andiko ya Yeremia. Jérémie au chapitre 29. Yeremia sura makumi mbili na tisa. Jérémie au chapitre 29. Jérémia sura makumi mbili na tisa. Dans son verset 11 à 14. Mustari ya kumi na moja tenda kufika kumi na ine. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Kwani inajua mapu nilitunga juu yenu wa milele amesema. Projet de paix et non de malheur. Mapu ya salama apana ya ole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ili nipate kumpatia maisha njema na tumaini. Vous m'invoquerez. Mutanyalika. Et vous partirez. Na mutaenda. Vous me prierez. Mutaniomba. Et je vous exaucerai. Na mite mikubali. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mutanitafuta na mutanipata. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Kama mukinitafuta kwa moyo wenu wote. Je me laisserai trouver par vous. Tajatilia ili mupate kunipata. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aksante Bwana Yesu Kristo. Ta présence est nécessaire au milieu de nous. Wepo wako wa mafasana katikati yetu. Ton esprit est capital pour nous conduire dans toute la vérité. Royako ni amafa kabisa njwa kutongoza katika ukweli yote. Nous sommes ici pour être de véritables chrétiens. Tuko hapa ili tupate kuya wa Kristo wa kweli. Mais sans la parole et ton esprit, lakini bila neno na roho yako, nous ne serons que des aventuriers. Tutakuwa tu ni batu ba inje inje ba michezo. Viens Seigneur, kuja Bwana, sois notre secours, uwe msaada wetu, sois notre bénédiction, uwe baraka yetu, et sois notre vie, na upate kuwa uzima yetu. Depuis le matin, ton peuple était ici. Parce que chacun avait un besoin. Toi qui nous as donné des oreilles, tu en as pour écouter la prière des saints. Réponds à chacun de nous selon son besoin. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Qui a conduit les services. Nyalongoza ibada. Bénis la parole que nous avons lue. Bariki neno tunatoka mkusoma. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Vous me chercherez. Mutanitafuta. Et vous me trouverez. Na mutanipata. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Kama mukinitafuta kwa moyo wenu wote. Je me laisserai trouver par vous. Tajatilia ili mupate kunipata. Dit l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi amesema. Le Saint-Esprit, Rome Takatifu, veut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Anapenda tupate kwa batu ba kujeshimia mobile tukunafanya. Notre cœur doit être attaché à ce que nous faisons. Moyo wetu inapaswa kuambatana na ile tunatenda. Notre âme doit être liée à notre foi. Nafsi yetu inapaswa kufungwa ku imani yetu. Parce que chacun de nous, en tant que fils et fille de Dieu, juu kila moja wetu, ama binti, wala mtoto mwanaume wa Mungu, a besoin de Dieu dans sa vie. Eko lazima na Mungu ndani maisha yake. Le salut okovu est accessible à tout le monde. Mutu yote anawezi kuipata. Le Saint-Esprit, Rome Takatifu, est une promesse pour chacun de nous. Ni malako kwa kila mmoja wetu. Mais nous devons respecter les principes. Lakini tunapasha kuheshimia makanuni pour atteindre notre objectif. Njoo kufika kwa kifukuzio yetu. La meilleure façon namna mzuri zaidi pour chacun de nous juu ya kila mmoja wetu d'entrer dans le royaume des cieux, apate kuingia mfalme wa mbingu, premièrement il doit mettre fin, ya kwanza anapasha kuweka mwisho au péché, kuzambi, et à l'ancienne vie, na ku maisha yake ya zamani. Il doit avoir la vie éternelle, anapasha kuwa na uzima milele. Et pour avoir la vie éternelle, na ndio akupata uzima milele, pour mettre fin au péché, na ndio kuweka mwisho kuzambi, et à l'ancienne vie, à l'ancienne nature qu'on avait autrefois, na kuweka mwisho kwa maisha ya zamani na hali ya zamani ile tulikuwa nayo zamani, c'est uniquement par la voie de la nouvelle naissance, ni paka tu kwa njia ya kuzalikwa jipya. Sans la nouvelle naissance, bila kuzaliwa mara ya pili, aucun homme ne peut arrêter le péché. Hakuna mtu anawezi kusimamisha na maisha ya dhambi. Et sa vieille nature, na asili yake ya zamani, aura libre cours dans sa vie. Itakuwa inaendelea na kutumika kwa maisha yake. La nouvelle naissance est la porte d'entrée. Vous allez comme à la pile, une jonjia ya kuingia dans le royaume. Mufalme. Et même un homme ou une femme, na hata mwanaume wala mwanamke, qui voudra aller au ciel, ula tapenda kwenda kumbingu, il doit respecter les principes de Dieu. Anapasha kuheshimia makanuni ya Mungu. La parole pure de Dieu, neno safi ya Mungu, est le seul moyen qui le permettra d'aller au ciel. Jo namna tu moja itamruhusu apate kwenda kumbingu. Tu peux expérimenter la véritable nouvelle naissance. Unawezi kuonja kuzalikwa kwa kweli kwa pili. Tu es un véritable fils de Dieu. Uko mtoto mwanaume wa kweli wala binti wa Mungu wa kweli. Mais si après ta naissance, lakini kama kisha kuzalikwa kwako, vous ne marchez plus dans la parole pure, hautembele muneno safi, on ne serait pas enlevé, hautawezi kunyanyuliwa, vous ne verrez pas le Seigneur, hautamuona Bwana. C'est vrai, frère. Ibya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ibya kweli dada. Et pour marcher dans la pureté de la parole, na ndio pate kutembea musafi wa neno, la prière à l'ancienne mode, maombi mnamna ile inaanza kufanyika zamani, à l'hôtel, kumazabao, est un médicament efficace, ni dawa ya nguvu sana, pour vous garder, njoo kukuchunga, gardez vos deux pieds, kuchunga miguu yako yote mbili, dans la parole pure, dani ya neno safi. La prière à l'ancienne. Maombi ile unafanyika mnamo na vile ilivyofanyika zamani. Celui qui veut Dieu dans son cœur. Unalapenda Mungu akwe mumoyo wake. Celui qui veut aller au ciel. Unalapenda kwenda kumbingu. Quand il va à l'hôtel de Dieu. Wakati anaenda kwa madhabahu ya Mungu. Il doit prier. Anapasha kuomba. Jusqu'à ce que son ancienne nature disparaisse. Hata ufika wakati ile asili yake ya zamani ipate kupotea. C'est un grand travail. Ni kazi mkubwa. C'est ça la voie du salut. Ndio njia ya wokovu. C'est ça la voie que Dieu a pourvue pour tout homme. Ndio ile njia ya Mungu alitayarisha ndio kila mtu. Il n'y a pas de raccourci. Hakuna manjia kukatirisha mfupi. Vous voulez être un fils de Dieu. Unapenda ukue mtoto mwanao wa Mungu. Vous voulez expérimenter la nouvelle naissance. Unapenda uonje kuzaliwa mara ya pili. Vous devez accepter premièrement. Kwanza unapasha uitikie. De mourir. Kufa. Pas seulement mourir. Hapana paka kufa tu. Vous devez pourrir. Unapasha uoze. Nous aurons tout le temps d'expliquer cela. Tutakuwa na wakati wote ndio kufasiria hiyo maneno yote. Si vous refusez de mourir, kama una katala kufa, et de pourrir à votre ancienne vie, na kuoza kwa maisha yako ya zamani, peu importe ce que tu y es, aizuru kile uiko, peu importe vos bonnes intentions, aizuru mania yako ya mzuri, peu importe ce que tu fais dans l'église, aizuru kile unafanya mkanisa, tu ne traites jamais de nouveau, hautazali kwa kamwe mara ya pili. C'est vrai, frère. Ibia kweli nduku. Si vous refusez de mourir, kama unakatala kufa, et de pourrir, na kuoza, tu ne seras jamais né de nouveau. Hautawezi kamwe kuzaliwa mara ya pili. Dans le domaine de la parole de Dieu, mambo ya neno la Mungu, il ne faut pas faire semblant. Aipashe kulanda. Kama uko natafuta kintu kwa Mungu, si tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, uko natafuta kintu ku pande ya Mungu, si tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, il ne faut jamais faire semblant. Aipashe kulanda. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Oui, mara ya pili. Tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Oui, onjaka kuzaliwa mara ya pili. Mais vous voulez paraître comme quelqu'un. Lakini unapenda uonekane sawa mutu qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance. Ulisha onja kuzaliwa mara ya pili. Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Non, ma sœur. Hapana dada yangu. Vous allez à l'hôtel pour mourir. Na wakati unaenda kwa madhabahu unju ukufe. Ne faites pas semblant de mourir. Usilande kufa. Ne quittez pas l'hôtel avant. Usitoke madhabahu mbele wakati. Que l'ancienne nature ne meure. Ya ile asili yako ya zamani kufa. Restez là jusqu'à ce que vous pourrissiez. Ubakilie pale hata ufika wakati upate kuoza. C'est ça la voie que Dieu a pourvue. Dieu nji ele Mungu alitayarisha. Restez là. Bakilie pale. Jusqu'à voir la vie de Dieu. Hata kufika wakati upate kupokea uzima ya Mungu. Ne faites pas semblant. Usifanye samba usilande sao. Quand vous allez réclamer quelque chose de la part du Seigneur. Wakati nenda kulomba kitu fulani kwa Mungu. Priez jusqu'à ce que vous l'obteniez. La lamika atakufika wakati upate kile kitu. Priez. Omba. Jusqu'à ce que Dieu vous donne. Atakufika wakati ile Mungu akupatie. Ce que vous désirez. Kile wewe unapenda. Restez à genoux. Bakia kwa magoti. Dans un combat spirituel, combattez violemment contre les péchés qui vous entourent jusqu'à ce que vous obteniez la délivrance. Oui, bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous ici présents, c'est ce qui a triomphé sur lui. Anajua kile kisha mshindia. Chacun de nous ici kila présent moja wetu mwenye kuwa hapa connaît le démon qui le tourmente. Anajua mademone yule mwangaisha. Le péché qui le tourmente. Anajua ile zambi kuna mwangaisha. La vieille nature pécheresse qui le tourmente. Ali ya zamani ile ya zambi kuna mwangaisha anaijua. Mais quand vous allez à genoux. Lakini wakati unaenda kwa magoti pour combattre Jokombana. Cette chose qui vous tient éloigné loin de Dieu, Jokombana le péché qui vous retient loin de Dieu, Jokombana chekile kitu, ile zambi unakupeleka mbali na Mungu. Restez là, bakili ya pale, jusqu'à ce que vous sentirez hata kufika wakati utasikia que Dieu vous a libéré. Ya kwamba Mungu anakukomboa. La délivrance est une expérience. Ukombozi ni onjo. C'est vrai mon frère. Ni kweli ndugu yangu. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Ce n'est pas de l'imagination. Aina mafikiri. Vous sentirez quelque chose. Utasikia kitu moja. Qui va quitter votre cœur. Ile kitatoka moyo wako. Vous sentirez un poids qui vous sera enlevé. Il est à toi quand dans l'imoire qu'on va t'accoucher. Vous sentirez une force qui va vous libérer. Il est à vous faire quoi ouru d'une ancienne force qui vous dominait. Où est-ce que moi à zaman il est rentré à Kutawala? C'est un combat. Ni bukonvi. Un combat qui est engagé vita ile isha kuanzishwa par vous-même we mwenyewe entre la vie et la mort. Unakuwa kati ya lufu na buzima. Vous devez rester à genoux. Unapasha kubakia kwa magoti jusqu'à ce que Dieu du ciel vienne confirmer. Hata kufika wakati ile Mungu wa mbingu apate kwa kuhakikisha. Jusqu'à ce que Dieu du ciel vienne répondre. Il ne viendra pas dans ta pensée. Ce n'est pas un problème de sentiment. C'est un problème d'expérience surnaturelle. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dans ce combat, Dani invita, il n'est permis à aucun homme de fainéanter pendant la prière. Wakati ya maombi. Non, bien-aimé frère. Apana nduku mpendwa. Non, ma sœur. Apana dada yangu. Il vous faut une décision. Inakupashwa kubeba mpango. Pas une simple décision. Apana mpango tu ya hivi. Mais une décision ferme. Lakini mpango ya imara. Vous devez manifester. Unapasha uoneshe. De l'endurance. Kwa kwamba unajitoa kwa nguvu. Dans l'endurance. Mwile nguvu natoa. Il y a la souffrance. Muko mateso. Dans l'endurance. Mukudumu. Il y a la fermeté. Muko kubakia imara. Dans l'endurance. Mukudumu. Il y a la constance. Unabakilia pakitu paka pale usha kubakilia. Oh, si longtemps que je n'ai pas obtenu ce que je cherche. Si japata kile nina tafuta. Je resterai là. Tabakilia pale. Il y a la persévérance. Muko kudumu. Dans la persévérance, il y a la fermeté. Na mukudumu muko kubakia imara. C'est vrai, frère. C'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu. Qui pousse un croyant. Ni nasukuma mwaminifu. À la persévérance. Kukudumu. À l'endurance. Kujitoa na nguvu. C'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu. Qui engendre en nous. Ndio nazalisha ndani mwetu. Un souci permanent de Dieu. Angaiko akila muda juu ya Mungu. Et un souci. Angaiko. De recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ya kupokea kitu fulani kwa upande wa Mungu. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa nduku na dada. Ne restez pas dans l'église. Usibakie mkanisa. En présumant. Mkujiwazia. Je suis élu. Oh, niko mteule. Je me connais. Oh, Mungu ananijua. Ça fait longtemps que nous avons cru. Kuna kawia tuliamini. Nous les anciens sœurs. Si ndio badada wa zamani. Nous les anciens frères. Si ndio banduku wa zamani. Tout ce racontard là. Ile ma kusema-sema kote kule. N'ont aucune valeur dans les expériences avec le Seigneur. Hakuna na bei katika maonjo ya kufanya na Bwana. Et je ne veux pas que l'église oublie. Na mimi sipende kanisa ipate kusabwa. Que je suis en train de parler sur la voix de Dieu, niko la voix du salut. Juu ya njia ya wokovu. Ne restez pas dans l'église. Usibakile tu kanisa. En train de présumer. Kujiwazia tu. Soyez sûr. Uwe na uhakika. Que vous avez obtenu. Ya kwamba ulipata. Le pourquoi vous avez cru. Sababu inye uliaminia. Oui, bien-aimés frères. Ndiyo nduku mpendwa. Parce que Dieu dit. Juu Mungu anasema hapa. Vous me cherchez. Mutanitafuta. Et vous me trouverez. Na mutanipata. Mais si vous me cherchez. Lakini kama unanitafuta. De tout votre cœur. Sans négligence. Bila kusula, bila achilio. C'est vrai. Ni bia kweli. Loin de toute paresse. Mbali na buvivu bote. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Kama mkinitafuta kwa moyo wenu wote. Avec amour. Na mapendo. Avec persévérance. Na kudumu. Avec fermeté. Na kubakia imara. Avec constance. Na kubakilia paki tutu bila kutengatenga. Avec un cœur ouvert. Na moyo ya wazi. Si vous me cherchez. Kama mkinitafuta. De tout votre cœur. Moi l'Éternel. Mie wa milele. Je me laisserai trouver par vous. Kujiachilia mpate kunipata. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit. Eti Yesu yemi asikuseme. Dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu sura 11. L'église est avec moi. Eti kanisa mune nifata. Matthieu chapitre 11. Matthieu sura 11. Dans son verset 12. Mstari yake ya 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tangia wakati ya Yohana Mbatizayo. Jusqu'à présent. Atafika leo hii. Le royaume des cieux. Ufalme ya mbingu. Est forcé. Ni ya kujikaza. Et ce sont les violents. Na ni bale ba kujikaza. Qui s'en emparent. Njobu kona ipata. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tangia wakati ya Yohana Mbatizayo. Jusqu'à présent. Atafika leo hii. Le royaume des cieux est forcé. Ufalme ya mbingu ni ya kujikaza. Ce sont les violents. Ni bale ba kujitoa kwa nguvu. Qui s'en emparent. Njobu kona ipata. Paul. Paulo. Dans Hébreux au chapitre 12. Mwa Ebrania sura 12. Ne nous a-t-il pas exhortés en disant. Eti ya shikutuonye mkusema hivi. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et pourtant, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est un modèle pour chacun, pour chaque croyant. Quand Dieu lui-même est venu dans la chair pour nous arracher du péché, comment s'était-il comporté? Pour sauver les âmes, y avait-il de la négligence? Jésus a-t-il fait néanté à Gethsemane? A-t-il manifesté de la paresse pour acheter les âmes entre les mains de l'ennemi? Non, bien aimé frère. À Gethsemane. Pour me racheter, pour te racheter. Il pria. Akaomba. Jusqu'au point. Ata kufika mukimo. Où sa sueur. Mule yaso yake. Se changea en sang. Ikabadilisha kuwa damu. Ce n'était pas pour ses péchés. Aikuwa ki njua mazambi yake. C'était pour nos péchés. Ilikuwa kanjua mazambi yetu. Et vous aujourd'hui. Na we leo. Vous voulez se débarrasser du péché en riant. Mukucheka. Non, mon frère. Apana nduku yangu. Non, ma soeur. Apana dada yangu. Dans Hébreux au chapitre 5, dans son verset 7, l'Écriture dit: celui qui, dans les jours de sa chair, c'est lui Jésus, Melchisedec dans la chair, c'est lui. Qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété qu'il a appris. Il a diffusé. Avec grand cri. Et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Vous voyez l'écriture, comment l'écriture est parfaite. Et il a été exaucé à cause de sa piété qu'il a appris. Il a le diffusé. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de délivrance sans combat. Hakuna ukombozi bila kukombana. Non, bien-aimés frères. Hapana nduku mpendwa. Non, bien-aimés sœurs. Hapana dada mpendwa. Et c'est sur ce point-là. Na ni yulu ya ile nukta que beaucoup de gens, jo bantu ba mingi, beaucoup de frères banduku ba mingi, et beaucoup de sœurs na badada ba mingi, sont séduits. Banatongozwa. Regardez à la Pentecôte. Tazameni ku Pentecôte. Ceux qui avaient entendu wale wale et reçu la parole na kupokea neno prêché par Pierre à la Pentecôte, ile Petro alianza kuhubiri kule ku Pentecôte, ils crurent. Wakaamini. Ils se furent baptisés. Wakabatizwa. Et la Bible dit. La Bible nasema. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans les prières. Na katika maombi. C'est vrai, frère. Ni bakweli nduku. Ils étaient tout le temps balikuwaka kila wakati à l'hôtel. Mazabao. Oui, bien-aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Lorsque vous cherchez la présence de Dieu dans votre vie, wakati unatafuta uwepo wa Mungu maisha yako, vous devez accepter, unapasha uitikie, de plier tes genoux, kuvunja magoti yako, de souffrir à genoux, kuteswa kwa magoti, d'endurer à genoux, kujitoa kwa nguvu sana kwa magoti, de plier, kuomba. C'est vrai, frère. Ndio kweli nduku. S'il faut jeûner, kama unapasha kufunga chakula, vous devez jeûner. Unapasha ufunge chakula. Vous devez endurer. Unapasha vous kudumu. Devez persévérer. Unapasha kuendelea na kudumu. Vous ne devez pas être négligent. Hauwezi kuwa wakusula. Priez. Omba. Jusqu'à ce que. Hata kufika wakati. Jusqu'à ce que. Hata kufika. Dieu vous réponde. Mungu apate ukujibu. Frère Branham, dans la voie du salut, dans la voie pourvue par Dieu, il a donné un très bon exemple d'un véritable chrétien. Il dit, pour avoir la vie, observer une poule. Une poule. Quand après qu'elle ait pondu ses œufs, kisha yeye kuweka mayai, kutaga mayai, elle aura un temps, atakuwa na muda fulani, pour couvrir ses œufs, njoo kulalia mayai yake, afin de réchauffer ses œufs, njoo kuipatia kivukutu mayai yake. Mais chaque œuf se féconde, lakini kila yai yenye kupewa buzima, en qui un enfant, un petit, un poussin se forme. Ndani yake kankuku kaloko kiko nenda kujifua kukomala. Après que ce poussin se soit formé, kisha mulo mayai kwa munakuwa nkuku, ce n'est pas la mère poule, aina mama kuku, qui va briser la coquille, ndio atavunja ile yai, du poussin, mule mkuku kutoto kankuku, pour donner naissance au poussin, ili kankuku kapate kutoka mule yai. Non, jamais. Apana, aina vile bila fanikaka. C'est le poussin de l'intérieur, ni katoto kankuku mule ndani, qui doit briser la coquille, ndio anapasha kuvunja ile likanda, pour avoir la vie, ndio apate buzima. Si la maman, la maman poule, la mère poule, kama mama kuku, brise pour le poussin, anavunja likanda juu ya katoto ya kuku, la coquille, ile likanda, ce poussin mourra, kale katoto ya kuku katakufa. Ce soit le bon exemple, ndio mfano ya mzuri, d'un élu, ya mteule, qui doit rester à genoux, ule anapasha kubakia kumagoti, il doit combattre avec le péché, anapasha kukumbana na zambi, jusqu'à ce que la vie de Dieu, hata ufike wakati buzima wa Mungu, upate kuonekana ndani yake. L'église est avec moi. Il n'y a pas de raccourci. Ce ne sont pas les choses qui nous ont été enseignées dans les dénominations. Ce n'est pas le fait de dire, moi je crois au Seigneur, oh, mini buana, et je m'arrête là. Le diable lui-même, Satan, et les démons, na demona, ils croient, ils ne sont pas nés de nouveau. Les démons croient en Dieu. Satan croit en Shetani Dieu. Mais il n'est pas né de nouveau. Lakini ana mwenye kuzaliko mara ya pili. Voyez bien mes frères. Unaona wanduku wapendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Pour mourir. Tu ya kufa. Pour pourrir. Tu ya kuoza. Avant de naître de nouveau. Bila kuzaliko mara ya pili. Il y a un travail qu'il faut faire. Kuko kazi ya kufanya. Que personne vous trompe. Kusikwe mtu akumilanda. C'est vrai, frère. Ndio kweli nduku. Vous devez aller à genoux. Unapasha kwenda kwa magoti. Pour briser l'ancienne coquille. Ndio kuvunja ile likanda ya zamani. votre ancienne nature pour vous libérer. La prière est un facteur clé dans la nouvelle naissance et même dans le baptême du Saint-Esprit. La prière est un facteur clé pour la délivrance. Il faut travailler. Il n'a pas à kutumika. Dans le message. Dans ya ujumbe. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Njia ile Mungu alitayarisha juu ya leo. Au paragraphe 28. Nukta makumbi na munane. Je commence par là. Nanzia pale. C'est là le problème chez les chrétiens d'aujourd'hui. Jo mambo paragraphe 28. C'est là Joile. Le problème chez les chrétiens d'aujourd'hui. Mambo ikwako kuba Kristu ba leo. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil. Tulibabembelesha sana. Et nous leur avons serré la main. Na tulibalamukia. Et nous les avons fait entrer en secret. Et nous les avons fait entrer dans l'église par inadhésion. Mais nous les avons croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Ah, non. Ce terme-là, il faut que le Saint-Esprit vous le révèle. Ce n'est pas un terme sec comme ça. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour le révéler. On ne doit pas compliquer les choses. Pour naître de nouveau, voyez les vrais du calvaire. Attention. Au-delà de ce terme-là, il y a un secret que Dieu révèle aux élus que par le Saint-Esprit. Le salut est une révélation. Quand on parle du terme révélation, on utilise le terme révélation. Cela signifie qu'il doit y avoir la présence du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Ce n'est pas un problème de la connaissance. On les a fait entrer en secret. Par inadhésion. Ici dans cette église, ça va, tu peux adhérer. Il n'y a pas un problème. Mais ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, là il faut y naître. Là il faut y naître. Ce qui leur faut, il est là-bas pas choix. Ce n'est pas une adhésion. Aina kujunga tu kanisa. Ce qu'il leur faut, il est na bapashwa. C'est un hôtel de prière. Ni mazabau ya maombi. À l'ancienne mode. Unamna ya zamani. Où ils prieront. Mule bataumbaka. Où ils prieront. Mule batenda kuomba. Jusqu'à l'exaucement. Ata kufika mkukubaliwa. Ce n'est pas moi qui dis. Aina mimi nasema. Je suis en train de vous lire. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour nous éclairer. Voyez, dans cet âge, ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode où ils prieront jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que, en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Les problèmes aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur les registres et adhèrent à l'église. Et ça s'arrête là. Cela est faux. Mais la voix de Dieu, la voix pourvue, c'est de rester là et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. Faites-les sortir. Ça les tuera. Il faut les aider. Ils vont mourir. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Les gens adhèrent à l'église, deviennent membres de l'église, ils s'arrêtent là. Mais la voie qui est pourvue par Dieu, c'est de rester là, à l'autel, là, dans la prière, là, à genoux, jusqu'à l'exaucement. C'est de rester là, et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne une nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. C'est là le problème aujourd'hui. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas cela. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez, ils disent, voilà ce qu'on a substitué. Venez et croyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit. Et vous savez, il n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui pour le monde, semble inconvenant, de mauvais goût. Mais toute naissance est un gâchis. Que ce soit dans une porcherie ou dans un hôpital, une naissance est un gâchis. C'est pareil. C'est pareil. Pour la nouvelle naissance. C'est pareil pour la nouvelle naissance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Je crois. Nous en parlerons. Cela est faux. Il est bon. Faut pas me continuer. Dubra na manendelea. Iti. Anasema. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. Njo ile Mungu anaomba juu ya batoto yake. Recommander ni kuomba. Si. Analazimisha kuamuru. Kuamuru kulazimisha kwa batoto yake. C'est ce qu'il exige. Njo ile analazimisha kwa batoto yake. Écoutez ce que Dieu exige. Dieu va t'ôter pour que ses enfants naissent de nouveau. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. Qui croient. Qui croient. Effectivement. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Écoutez. Non pas de discours intellectuels. Non pas une grande théologie. Théologie à enseigner. Non mon frère. Non ma soeur. Dieu veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Vous êtes trop guindé. Vous être guindé, c'est répéter les mêmes choses la même action plusieurs fois, mais sans obtenir grand chose. C'est ça que signifie gende. Tu répètes la même chose plusieurs fois, mais vous n'avez pas de résultats. L'Église est avec moi. Les termes que le Saint-Esprit utilise est de grande importance. Ce n'est pas le fait de venir. On a vendredi. Tu viens le vendredi. Et tu viens à quelle heure? 14h. Vers 14h. 15h. 16h. On a calculé ça. Et tu es en train de vérifier 30 minutes. Et tu puisses prier pendant 30 minutes. Et que la prière s'arrête. Vous êtes un farceur. Pourquoi tout le monde a vous n'avez pas l'amour de Dieu. Ah, on a ma peine de l'amour, tu n'as yako. Pas de détermination. Ah, on a mi pango, les sabeba. Tu es faux. Wa bongo. Tu es hybride. Wa mchanga mbeko. Tu n'es pas une semence originale. Ah, a kumwanjo. Voyez bien, mes frères. Vous répétez les mêmes choses. Pa bitu moya moya. Toi, tu as seulement une prière. Tu na maombi pour entrer tu. Encore très clair. Njua kusema tena wazi wazi. Weye unaumbaka. Pour toi, tu as toujours prié. Baka 2 minutes ou 3 minutes. Juste 2 ou 3 minutes. Avant la prière. Bela, avant la prédication. Bela maubiri. Kisha. Et après. Tu pries. Unaumba. 5 minutes. Dakika tano. Après la prédication. Kisha maubiri. Depuis que tu as cru. Tangia uliaminiaka. Quand tu entres. Wakati unaingia. Tu fermes les yeux. Unafunga macho. Tu fais une prière. Unafanya maombi. D'une minute. Ya dakika moja. Des fois tu ne pries même pas. Mara ingine aombe takuomba. Le président monte du haut de la wakongoza chaire. Ibada, anapanda il conduit l'église dans la prière. Vous priez 3 minutes. Unaomba dakika tatu. On arrête. Mana vous suivez la prière. Unafata, vous suivez la prédication. À la fin de la prédication. Maubiri, vous priez 5 minutes. Dakika vous, tano, sortez. Vous répétez narudiria, les mêmes choses plusieurs fois. Plusieurs années. Depuis mingi, que tu as cru. Amini, mais le résultat de ce que tu fais matokeo, là. Ya unafanya, aionekani. Tu viens vendredi, 15h, 14h, tu répètes les mêmes choses, plusieurs fois, mara mingi, mais tu n'as rien. Lakini, aupate kitu. Vous êtes seulement gende. Tu n'as rien. Kitu. Tu ne changes pas. Aubadirike. Tu n'as pas de vie. Auna na uzima. Vous voyez bien, mes frères, vous êtes gende et empêché. Vous voyez, vous ne les recevrez jamais. Rome Takatifu, le Saint-Esprit, vous ne les recevrez tu jamais. Jamais auta mpataka. Ce n'est pas moi qui dis. Je vous lis Frère Branham. Il dit, vous ne les recevrez jamais. Auta mpokeaka kamwe, Rome Takatifu. Si vous êtes prêt à tayari, vous dégourdir un peu kiloko, et à crier, na kulalamika, je vous le donnera. Pale Mungu atakupatia ayo. Il aime entendre ses enfants crier. Anapendaka kusikia watu wengi kulalamika. Crier à Dieu pour vos besoins. Kulalamikie Mungu kwa mahitaji yenu. C'est ce que Dieu veut. Ndio ile Mungu anapenda. C'est cela la voie pourvue. Na itakuwa ndio njia ile alitarisha. Réclamez-le. Mwialombe. Umutafute. Cherchez-le. Ah. Réclamez-le. Vous à grand cri. Voilà la mico kubwa. C'est vrai. Bien quelli. C'est comme ça. Jovile. Que le bébé crie. Voilà toto achanga la mica. C'est comme ça. Jovile. Que Dieu veut que vous criez. Anapenda mupate na moko la mica. Criez jusqu'à quand? Voilà la mica tofika wakati gani? Jusqu'à quand le bébé crie-t-il? Mutoto mchanga la mica kufika wakati gani? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Nipata kufika wakati asibishwe. Et c'est comme ça. Na njovile. Que devraient faire les chrétiens? Wa Kristo walipasha kufanya. Wale wanaamini. Les chrétiens qui croient. Wa Kristo wenye kuamini. L'enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Si vous voyez. Kama unaona. Que Dieu a fait une promesse. Ya kama Mungu amefanya malako fulani. N'y renoncez pas. Usiache. Criez jusqu'à ce que. Lalamika tafika wakati. Ça soit exaucé. Ili ipate kukubaliwa. Criez jusqu'à ce que. Lalamika tafika wakati. Vous voyez que Dieu confirme sa parole. Upate kuona Mungu akikisha neno lake. Quand Dieu confirme sa parole. Wakati Mungu anahakikisha neno lake. Et qu'il prouve que voilà. Na anasema yoi. Ça y est. Binenea. Et. Pale. Alors. Sasa. On n'avait plus besoin de crier. Aona tena lazima kulalamika. Vous l'avez. Oui, ça pas. Repartez. Wende. Remerciez-le. Remerciez-le pour ça. Avant de le faire. Avant de le remercier. Avant de le remercier. Avant d'obtenir ce que vous avez demandé. Criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime cela. Persévérez. Tenir bon. Ushikamane. Vous voyez. Unaona. Non pas être un chrétien hybride. Apana kwa mukristu wa mchangambeko. Non bien aimé frère. Apana ndugu mpendo. Non bien aimé sœur. Apana dada mpendo. Venez avec une détermination. Uya mwenye kubeba mpango. Venez déterminé. Uya mwenye kubeba mpango. Restez là. Ya kubakia pale. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Ata mfika yote pate kumalizika. Kama ni zambi. Si le péché. Il est ukona kombana nayo. Auquel tu te combats. Kama ni mademo. Si c'est son démon. Il est ukona kombana nayo. Ubakie kule kumagoti. À genoux. Jusqu'à ce que ma démon y croit. Jusqu'à ce que ce démon là se soit libéré. Si c'est Dieu que tu es en train de chercher dans ta vie, reste là à genoux jusqu'à ce que tu vois Christ dans ta vie. Oui, bien aimé frère, venez déterminé à rester là à genoux jusqu'à ce que tout soit terminé. Restez là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. L'homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu, savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obtenez. Accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à sa promesse. Accrochez-vous à sa parole. Vous voyez, ne partez pas avant que vous ne recevez ce que lui a promis. C'est vrai, frère. Même si vous devez rester là. Nous et jour, restez là. Nous et jour, jusqu'à ce que Dieu réponde. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. C'est vrai, frère. C'est ce que Dieu veut. Il veut voir ses enfants travailler. Oui, bien-aimé, frère. Oui, bien-aimé, sœur. Si ça vous coûte la ta santé, restez là. Jusqu'à ce que Dieu vienne vous répondre. Il y a eu un frère, Frère Robinson, il était à la recherche du Saint-Esprit. Un jour, il prit la décision. Après avoir entendu qu'un chrétien doit recevoir le Saint-Esprit, il est allé dans un champ de maïs. Il dit, akasema, comme la Bible enseigne, sabe le Biblia iko nafundisha, qu'un croyant doit avoir le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je veux prier mitaomba jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Mungu anipatie Roho Mtakatifu. S'il ne me donne pas le Saint-Esprit, il trouvera mes os ici. Atakutaka mifupa yangu paifazi. Et Frère Branham le dit ici. Dans la foi, c'est notre victoire. Il dit ceci. Oh, dans son paragraphe 15 et 16. Oh, si on avait des vaillants hommes, des braves hommes, comme celui-là, tout qui serait décidé, qui serait résolu dans leur cœur en disant, si je suis chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si je suis chrétien, si je suis un chrétien, si je suis une chrétienne, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et le réclamer. Si la Bible enseigne que je dois recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Pas juste flotter. Non. Il y a quelque temps, je lisais l'histoire de la vie du vieil oncle Bidi. Il y a Robinson. Robinson. Et c'était un très grand homme. Un homme tendre. Et un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Alianza kupenda sana kupata Roho Mtakatifu. Kutamani. Alitamania sana. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Akaanza kutamania sana kupata Roho Mtakatifu. Car la Bible enseigne. Kwani Biblia inafundisha. Et il dit, il est dit qu'un jour. Na anasema siku moja. Il cultivait du maïs. Alikuwa analima minji. Et il arrêta son vieux mulet. Na akasimamisha ule mpunda wake mzee. Eli. Il s'appelait Eli. Et il descendit dans la rangée de maïs. Nakashuka mistari ya mindi. Et il dit, nakasema, oh Dieu, eh Mungu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit kama aujourd'hui, Leo, Rome, quand tu reviendras sur la terre, dunia, tu trouveras mes eaux étendues juste ici. Yangu, paifazi, c'est ça, Bana me dit, sema, c'est ça, vile, prendre une résolution dans le cœur. Kubeba mpango, c'est ça vraiment, vile, akika, se mettre au travail. Mukazi, quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les portes des cieux. Vous voyez, quelque chose moja doit arriver. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu, mkazi, avec Mungu, un objectif na et de la reconnaissance na shukrani, parce qu'il vous a déjà sauvé. Vous voyez bien mes frères, on ne peut pas se débarrasser du péché de la vieille nature na hali yako ya zamani, en faisant dans l'église. Kukosa kutumika mkanisa. Bongo frère. Ça c'est faux mon frère. Bongo ma sœur. C'est faux ma sœur. Ba sœur beauté. Toutes les sœurs. Na ba frère beauté. Et les frères. Bana nionaka kubiro. Ils m'ont toujours vu au bana seba pasteur. Dire, pasteur. Uniombe. Prie pour moi. Jou démon wa ivi na ivi. Tel démon et tel démon. Me tourmente que Dieu puisse m'aider. Solution yo yi. Voici la solution. Ce n'est pas par l'imposition de main. Aina kwekea mikono. Ken démon. Jou démon. Ou une vieille nature. Wala ali yako wa zamani. Parte. Itawezi kutoka. Pe parti. Inawezi kutoka no. Kwenda pana. Pour ken démon. Un péché, Zambi, une vieille nature, ya zamani, un mauvais caractère, tabia ya zama, ya mubaya, c'est de vous ipate ukutoka, allez avec détermination na mupango, à l'hôtel, kumazabau, restez là à l'hôtel, pale kumazabau, sans pasteur, bila pastori, sans diacre, bila semasi, sans ancien, bila mzee, sans frère, bila nduku fulani, sans soeur, bila dada fulani, sans ton mari, bila bwana yako, sans ta femme, bila mke wako, sans ton père, bila baba yako, vous voyez, sans ta mère, bila mama yako, sans ton frère, bila nduku yako, sans ta soeur, bila dada yako, restez là, bakia pale kumagoti, dans un lieu secret, mahali yako asili, que tu as préparé pour la circonstance, ulitayarisha njoa ile mambo, restez là, bakia pale kumagoti, we moya, na Mungu wako, jusqu'à ce que Dieu te réponde, Mungu apate kujibu, c'est ça la solution, njoo jibu. Si tu ne fais pas ça, kama ufanye vile, nous pouvons te wendre. Unawezi kupaka mafuta. Mafuta yote. Tout huile. Mafuta yote. Toute la quantité d'huile. Yampafu. D'olive. Itakuishia. Sera épuisé sur toi. Le démon ne partira pas. Bale ba démon abata enda. Attends, on a seulement pasteur. Mais tu disais pasteur. Pour tout m'en foutre. Ton livre, le reste de l'huile là que tu avais amené à Israël. Tous les matins, tu appliquais cela sur moi, les démons vont me quitter. Même si j'appliquais sur toi cette huile là d'Israël, les démons ne vont pas partir et tu ne vas pas changer. Il y a un travail qui est attaché à l'âme. Et ce travail là, c'est la prière. Où vous devez vous rencontrer sur le terrain vis-à-vis avec Dieu, avec une décision ferme. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, si tu ne me donnes pas la nouvelle naissance, si tu ne me fais pas ceci, je mourrai ici. Où sont ses frères? C'est ça la prière à l'ancienne. Voyez bien mes frères, vous devez rester là, prier jusqu'à ce que Dieu vous exauce. C'est vrai, frère. Jusqu'à ce que Dieu devienne une réalité en vous. Il y a des frères et sœurs ici. Depuis qu'ils ont cru, ils n'ont jamais senti la présence du Seigneur. Les uns crient, c'est par imitation. Ce n'est pas ça la crainte. Ce n'est pas comme ça que nous avons cru. Bongo. C'est faux. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. On a l'âle, on a la mouka. Tu dors, tu te réveilles. On a cura bukari. Tu manges le foufou. On a cura kukanisa. Tu viens à l'église. On a imba alléluia, alléluia. Alléluia, on a toka unenda. Tu pars. Et tu te dis, mina okole, oh, je suis sauvé. Bongo. C'est faux. Il y a un travail qu'il faut faire. On a pas ça qu'on fagne. Frère. Duku. Dieu y a un zambi kukutoka. Que les péchés te quittent. Il y a un travail qu'il faut faire. Il en a failli qu'on fagne. Nous allons expliquer cela. Tout à facilia. L'éternel mourir que nous étions, que nous utilisons. Tout la tumia. Frère, c'est un travail. Mikazi. Vous devez travailler. On a pas ça. Kutumika, c'est vrai, frère. L'éternel pourrit. Pour pourrir, il faut travailler. Pour mourir, il faut travailler. Il y a des sacrifices à faire. Il y a de la persévérance. Il y a de l'endurance. Oui, bien aimé, frère. Vous devez venir à Dieu avec une détermination. Et cette attitude ne se trouve que dans les élus. Pas dans n'importe qui. Regardez. Jacob. Jacob. Quand il est revenu. Il a senti. Alisikia. Qu'il s'était brouillé avec son beau-père. Il a pris ses femmes. Et ses enfants. Mais dans le pays de la promesse. Là, il y avait quoi? Son frère Esaü. À qui il avait volé. Le droit de naissance. Il était entre les matins et l'enclume. Il était entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a chassé tout le monde. Il est resté seul. La Bible dit. Il pria toute la nuit. Il a prié avec son cœur jusqu'à ce que l'éternel des armées est descendu. Quand il est descendu, il a vu, il a parlé avec lui, il a été sauvé. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. Ce n'était pas un enseignement. Non, il est allé dans l'expérience. L'expérience et l'enseignement sont des choses différentes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi il y a un travail. L'église est avec moi. Dans le salut, il y a un travail à faire. Pour que tu meurs au péché, il y a un travail que tu dois faire. Et l'autel à l'ancienne mort vous aidera à faire de bonnes expériences avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mungu, apata mibariki. Nous continuerons. Tout a indélesse. Qui a compris? Nani anasikia? C'est bien. C'est bien de lever la main. Ni mzuri kulamusha mkono. Mais c'est bien de mettre en pratique. Lakini mzuri kutumikia hiyo. C'est ce qui est très important. Dio yenye kwa mafaa sana. Lever la main. Kulamusha mkono. C'est facile. Ni kepesi. Mais aller avec détermination à genoux. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Mungu apate kujibu. C'est ça le problème. Pale ndio poko mambo. Levons-nous pour la prière. Usimame ndio kuomba. Kama uko paka na mizamu mambo ya Mungu. Toujours des plaisanteries dans les choses de Dieu. N'espérez rien de la part de Dieu. Pokea kitu atakikupa ndio Mungu, ataki kitu kimoja. C'est vrai, frère. L'évangile de facilité. Aïna Yamungu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, bien aimé frère. Il y a un travail qu'il faut faire. On n'a pas chaque fois. Prions. Tuombe. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Tu nous montres ce que nous devons faire. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Réveille notre mémoire. Réveille notre conscience. Seigneur, chasse en nous la paresse, la négligence, Seigneur. Nous devons être au travail de notre, au travail de l'âme, Seigneur. Nous devons comprendre que sans la présence du Dieu vivant en nous, oh, nous allons mourir. Seigneur, tout est gratuit. Mais nous devons travailler. Nous devons faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Bien-aimé, pour marcher avec toi, pour avoir la délivrance, fais-moi un homme de décision, un homme de détermination. Père, merci. Nous te recommandons tout.